الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ومن عقوباتها أنها تباعد عن العبد وليه وأنفع الخلق له وأنصحهم له ومن سعادته في قربه منه وهو الملك الموكل به، وتدني منه عدوه وأغش الخلق له وأعظمهم ضررا له وهو الشيطان. لوتر رحمه الله تعالى est toujours dans la mention des effets des péchés et des obéissances sur le serviteur et ce qui l'entoure. Après avoir parlé du point dans lequel il nous a montré que les péchés faisaient disparaître les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre ici que les péchés éloignent de l'homme son meilleur allié, éloigne de l'homme la meilleure assise, la plus bénéfique, la plus bénie, c'est-à-dire al-malak, l'ange. Et de la même façon, en commettant les péchés, il rapproche de lui les plus mauvaises assises, les personnes les plus nocives à son égard, c'est-à-dire les shayatines. Donc celui qui commet des péchés, il éloigne de lui les anges. Et il rapproche de lui les shayatines. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit: le péché éloigne de l'homme son allié, la créature qui lui est la plus profitable et la plus sincère, celui dont la proximité comporte le succès, qui est l'ange chargé de lui. Au contraire, il rapproche de lui son ennemi. Au contraire, les péchés rapprochent de lui son ennemi, la créature qui cherche le plus à le tromper et qui lui est le plus nuisible, al-shaytan. فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَصَى اللَّهَ تَبَاعَدَ مِنْهُ الْمَلَكُ بِقَدْرِ تِلْكَ الْمَعْصِيَةِ حَتَّى إِنَّهُ يَتَبَاعَدُ عَنْهُ بِالْكِذْبَةِ الْوَاحِدَةِ مَسَافَةً بَعِيدَةً. Car si l'homme désobéit à Allah, l'ange s'éloigne de lui à mesure de cette désobéissance. C'est-à-dire, plus le serviteur commet des péchés et plus ils sont graves, plus l'ange s'éloigne du serviteur, au point qu'en raison d'un seul mensonge, il s'éloigne de lui d'une distance immense. Au point qu'en mentant une seule fois, mais de par la gravité de ce mensonge-là, l'ange s'éloigne énormément de lui. Il est rapporté, si l'homme ment, l'ange s'éloigne de lui d'une distance d'un mille en raison de son odeur pestilentielle. Si l'ange s'éloigne de la sorte en raison d'un seul mensonge, alors de combien s'éloigne-t-il pour ce qui est pire et plus vil encore? Donc on doit savoir que la présence des anges est un bien pour le fils de Adam, car les anges ne se rapprochent que du bien et ne font que ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, et ne restent qu'en compagnie de ceux qui plaisent à Allah tabaraka wa ta'ala. A l'inverse, la présence des shayatins, des diables, c'est un mal pour le fils de Adam, car ils ne sont satisfaits que de ceux qui leur ressemblent, c'est-à-dire ceux qui s'éloignent de l'obéissance d'Allah, ceux qui prennent plaisir à désobéir Allah subhanahu wa ta'ala. Les shayatins ne restent qu'avec les mauvaises assises, ne restent qu'avec ceux qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la présence du shaytan avec le serviteur veut dire qu'il va l'engrainer à faire le mal, lui augmenter son envie de désobéir Allah subhanahu wa ta'ala. Il va le pousser à désobéir Allah subhanahu wa ta'ala plus encore. Il convient donc au serviteur d'étudier les causes qui amènent à avoir la bonne assise, la bonne compagnie, c'est-à-dire al-mala'ika, les anges, pour ensuite mettre en pratique ces causes et ne pas négliger cette noble compagnie qui est la plus profitable et la plus utile pour lui, comme l'a dit Ibn Qayyim rahimahullah. De la même manière, il doit étudier les causes qui amènent les anges à s'éloigner de lui et les shayatines à s'en rapprocher. Pourquoi? Pour qu'ils s'en éloignent et pour qu'ils avertissent contre eux, contre ces causes. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit par exemple que les anges n'entrent pas dans une demeure, dans une maison où il y a un chien ou des représentations. La tadkhulul malaikatu baytan fihi sura ou fi kalbun ou sura. Donc en étudiant ce point, tu vas t'éloigner de ces causes. Parce que si les anges ne viennent pas, c'est parce qu'il y a un mal. Et lorsqu'il y a un mal, ce sont les shayatines qui viennent. Lorsqu'il y a un mal, ce sont les shayatines qui viennent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a cité plusieurs exemples comme ça. C'est-à-dire des choses qui amènent les anges et qui éloignent les shayatines, ou bien des choses qui amènent les shayatines et qui éloignent les anges. On doit étudier ces points-là. Ça fait partie du fiqh. Le fait de savoir toutes les brèches par lesquelles le shaytan peut avoir de l'influence sur nos personnes. Wa fi ba'd al-athar idha kadhaba al-'abdu taba'ada minhu al-malak milan min natin rihi. Cela n'est pas authentique. Idha kana hadha taba'ud al-malak minhu min kidbatin wahida fama yakunu miqdar bu'dihi min mimma huwa akbar min dhalika wa fahshu min. Qala ba'd as-salaf idha rakiba adh-dhakaru adh-dhakara 'ajjat al-ardu ila Allah wa harabat al-mala'ikatu ila rabbiha wa shakat ilay 'azima ma ra'at. Qala ba'd as-salaf idha asbaha al-'abdu ibtadarahu al-malak wa ash-shaytan فإن ذكر الله كبره وحمده وهلله طرد الملك الشيطان وتولى وإن افتتح بغير ذلك ذهب الملك عنه وتولاه الشيطان. Un pieux prédécesseur a dit: lorsque le mal monte le mal, la terre hurle vers Allah, les anges fuient vers leur Seigneur et se plaignent de la gravité de ce qu'ils ont vu. Un autre a dit: au matin, l'ange et le démon se pressent vers l'homme. S'il mentionne Allah, le glorifie, le loue et célèbre son unicité, l'ange chasse le démon et dirige l'homme. Mais s'il débute sa journée autrement, l'ange s'éloigne de lui et le démon le dirige. Allez, chaque jour, l'ange vient vers Ibn Adam, tout comme le démon vient vers Ibn Adam. Si la personne fait du bien, alors c'est l'ange qui sera son allié, et c'est l'ange qui repoussera le shaytan. Dans le cas contraire, s'il se lève et commence par le mal, haram, par le mal, alors c'est le shaytan qui sera son allié, et l'ange s'éloignera de lui. وَلَا يَزَلُ الْمَلَكُ يَقْرُبُ مِنَ الْعَبْدِ حَتَّى يَصِيرَ الْحُكْمَ وَالْغَلَبَ حتى يسير الحكم والغلبة والطاعة له فتتولاه الملائكة في حياته وعند موته وعند بعثه كما قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. L'ange ne cesse de se rapprocher de l'homme jusqu'à le dominer, et ainsi les anges le prennent pour allié dans sa vie, au moment de sa mort et à sa résurrection. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, on a traduit son essence de ce verset, ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se maintiennent dans la droiture, les anges au moment de la mort descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez point affligés, mais recevez la bonne annonce du paradis qui vous était promis. Nous sommes vos alliés dans la vie présente et dans l'au-delà. Donc l'homme qui fait de bonnes actions, s'éloigne des péchés, a pour noble compagnie la compagnie des anges. Ces anges-là sont ses alliés et ils vont l'aider par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont l'aider, ils vont aimer ce serviteur. Car les anges aiment les serviteurs pieux, ceux qui obéissent et qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala. De son vivant, ils vont le pousser vers le bien. De son vivant, ils vont le défendre. Au moment de sa mort, Allah subhanahu wa ta'ala va affermir ce serviteur en faisant descendre successivement sur lui des anges. Tatanazzalu, on n'a pas dit nazalat, mais tatanazzalu, ça veut dire qu'ils vont descendre et que ça va être successif. Comme tu parles de pommes par exemple, tu ne vas pas dire sakatat, tu vas dire tasakatat. Ça veut dire qu'elles sont tombées comme ça successivement les pommes de l'arbre. Les anges vont descendre. Parce que ça, c'est ce qui amène la perfection de l'affermissement. Si une personne vient et te rassure, ça te rassure. Puis une deuxième, puis une troisième, puis une dixième, puis, sans aucun doute, ça amène la perfection, n'est-ce pas? De la même manière ici, les anges vont descendre sur le serviteur et vont lui dire, n'aie pas peur. C'est-à-dire pour le futur, pour ce qui t'attend dans l'au-delà, ton retour vers Allah, n'aie pas peur. Je te dirige vers un pardonneur miséricordieux, n'aie pas peur. Et ne sois pas triste, c'est-à-dire de ce que tu laisses comme femme, enfant, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va les préserver. Donc ils descendent au moment où il en a le plus besoin, au moment où il n'a plus de force, au moment où il ne peut plus agir, ni se repentir, ni rajouter du bien. À ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala envoie ses anges et il le rassure, il le tranquillise. Puis il lui annonce la bonne nouvelle du paradis. Et lui disent, nous sommes vos alliés dans la vie présente et dans l'au-delà. Il y a donc un lien très fort entre les serviteurs croyants d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les fils de Adam et yani d'avec les anges. D'avec les anges. Ils font dua pour lui. Naam. On note ses bonnes actions. Il y a des anges devant lui, derrière lui, qui le préservent, sauf lorsqu'Allah décrète une chose. Donc il y a un lien avec les anges. Il y a un lien avec les anges. Ils invoquent aussi en sa faveur wa hakada. Donc plus la personne est proche d'Allah, plus les anges se rapprochent d'elle. Plus la personne est proche d'Allah et loin des péchés, plus il a pour compagnie les anges. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre, avant ça dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin de surat Maryam, nous dit إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. Ceux qui ont cru et ont fait de bonnes œuvres, le tout miséricordieux mettra l'amour. C'est-à-dire qu'Allah va les aimer, va faire en sorte que les gens l'aiment, cette personne-là. Et entre eux, ils vont s'aimer. Aussi dans le hadith, إذا حب الله عبدا نادى جبريل إن يحب فلانا فأحبه. فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ وَيُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ. Dans le hadith, lorsqu'Allah aime une personne, il appelle Jibril. Ô Jibril, j'aime un tel. Aime-le donc. Jibril l'aime alors. Puis il appelle les habitants des cieux. Certes, Allah aime un tel, aimez-le donc. Donc les anges aiment les serviteurs croyants, les serviteurs pieux. Et pour cela, il faut s'éloigner du péché. Et il faut maintenir les obligations. وَإِذَا تَوَلَّاهُ الْمَلَكُ تَوَلَّاهُ أَنْصَحُ الْخَلْقِ وَأَنْفَعُهُمْ وَأَبَرُّهُمْ وَثَبَّتَهُ وَعَلَّمَهُ وَقَوَّى جَنَانَهُ وَأَيَّدَهُ قَالَ تَعَالَى إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا. S'il est dirigé par l'ange, c'est par la créature la plus sincère, la plus utile, la meilleure pour lui. Yani celui qui a comme compagnie l'ange, et c'est l'ange qui l'encourage vers l'action. Certes, cet ange-là sera le meilleur conseiller. Cet ange-là ne le dirigera que vers le bien et que vers les choses utiles pour lui. Il l'affermira, lui enseignera, renforcera son cœur et le soutiendra. Allah dit, sur la traduction des sens de ce verset, « Et ton Seigneur révéla aux anges, je suis avec vous, affermissez donc ceux qui ont cru. » Affermissez donc ceux qui ont cru. « وَيَقُولُ لَهُ الْمَلَكُ عِنْدَ الْمَوْتِ لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ وَأَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُرُّكْ وَيُثَبِّتُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ أَحْوَجَ مَا يَكُونُ لَيْهِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وعند الموت وفي القبر عند المسألة. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, et l'ange lui dit au moment de la mort, ne crains rien et ne t'attriste pas, et reçois la bonne annonce de ce qui te réjouit. Ça c'est pris du verset de Surat Fussilat que nous avons mentionné auparavant, et aussi dans le hadith de Al-Bara ibn Azib. Dans le hadith de Al-Bara ibn Azib, lorsque le prophète alayhi salat wa salam a décrit ce qui se passe dans la tombe, il nous informe qu'il y a deux anges qui viennent voir le mort lorsque ses proches se séparent de lui. Ils le font s'asseoir et ils lui posent trois questions. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit que l'ange va l'aider dans toutes ces situations. Au moment de sa mort, dans la tombe, lorsqu'il est interrogé. Alors, dans la tombe, comment est-ce qu'on est interrogé? Ou plutôt, quelles sont les questions? Dans le hadith al-Bara ibn Azib, le prophète alayhi salat wa salam nous dit qu'on sera questionné sur notre Seigneur, Men Rabbouk. Qui est ton Seigneur, celui que tu as unifié d'un culte sincère? La deuxième question, Madinu, quelle est ta religion? La voie par laquelle tu as adoré. La troisième question, Mada taqulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum. La troisième question, c'est sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que dis-tu de cet homme qui vous a été envoyé? À ce moment-là, les gens vont se diviser en deux catégories. Ceux qui étaient croyants dans ce bas monde et ceux qui étaient mécréants. Ceux qui étaient croyants répondront Rabbi Allah. Mon Seigneur, c'est Allah. Dini al-Islam. Ma religion, c'est l'Islam. Wa Nabiyyi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mon prophète est Muhammad. Et on entendra une voix dire An sadaqa abdi. Mon serviteur a été véridique, il a dit la vérité. Ça, c'est la plus grande épreuve. Naam, ça, c'est la plus grande épreuve. Et selon l'état de la vie et les actions du serviteur dans ce bas monde, il arrivera ou non à répondre dans sa tombe. Naam. Il arrivera ou non à répondre dans sa tombe. Avant même de quitter ce bas monde, certaines personnes pensent que c'est facile de dire La ilaha illallah. Mais au moment du décès, combien perdent l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala suite à des maladies qui habitaient leur cœur en réalité et ils n'arrivent pas à prononcer kalimat al-tawhid. Tu leur dis La ilallah, ils n'arrivent pas. Parce que selon la vie qu'il a eue, l'état de son cœur, il arrivera ou non à dire La ilaha illallah au moment de mourir, avoir cette bonne fin. Nas'alullah azza wa jal husna al-khatima. Aussi dans sa tombe, pour répondre, il lui faut une assistance de la part d'Allah, et elle sera selon ce qu'il a vécu dans ce bas monde. Puis, plus il empruntait le chemin droit, plus il était rattaché à Allah subhanahu wa ta'ala, plus il sera affermi à ce moment-là. Au moment de mourir, on va lui faciliter, on va l'affermir pour dire La ilaha illallah. Puis dans sa tombe, on va lui faciliter pour répondre à ses questions. Quant au munafiq, celui qui montrait l'islam en apparence mais cachait le contraire dans son cœur, et aussi le kafir al-asli, ces gens-là vont dire Hahin, hahin, la adl. Ils vont dire je ne sais pas, ils vont être pris de panique. Même celui qui disait La ilaha illallah faussement dans ce bas monde, naam, c'est-à-dire qu'il ne le disait qu'avec sa langue mais pas avec son cœur, il n'était pas véridique. Il ne va pas réussir à répondre. Il dira Ha, ha, ha, la adri, je ne sais pas. J'ai entendu les gens dire une chose, je l'ai répété. Donc, at-tawfiq wa aziz, la réussite, ce n'est pas une chose simple à obtenir. Il faut que la personne dans ce bas monde étudie cette parole, comprenne cette parole-là, vive avec cette parole-là, prononce et répète cette parole-là. Et tu vois, dans ta nuit, dans ton jour, dans tes adorations, on a légiféré cette parole partout, dans toute adoration. Dans toute adoration, on a légiféré cette parole. Dans l'adhan, tu entends cette parole. Dans la salat, tu prononces cette parole dans ta shahut. Naam. Ou bien dans une ayah que tu réciteras. Dans le hajj, il y a cette parole. Cette parole, elle t'accompagne toute ta vie. Et c'est le premier pilier de l'islam. Et la personne n'entre en islam qu'avec cette parole. Et sans cette parole, elle n'entre pas au paradis. Et avec cette parole, on interdit le feu d'accueillir cette personne de manière éternelle. Cette parole, c'est la meilleure parole qui est prononcée à un prophète. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit « Khayru ma qultu ana wa nabiyuna min qabli, la ilaha illallah, wahdahu la sharika la, al-hadith. » C'est la meilleure parole qui est prononcée les prophètes. Et Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit le soleil ne s'est pas levé sur une meilleure parole que quatre. Et dans l'autre hadith, أحب الكلام إلى الله أربعة والكلمات أربعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Et un jour le prophète عليه الصلاة والسلام a vu un arbre dont les branches bougeaient suite au vent et les feuilles tombaient. نعم. Il a dit إنا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Il a dit ces quatre paroles font tomber les péchés du fils de Adam comme le vent a fait tomber ses feuilles de cet arbre. Donc cette parole-là, la ilaha illallah, c'est la parole la plus bénie. C'est la parole la plus profitable, la plus utile et la plus indispensable pour le serviteur. C'est pour cela qu'il nous faut toujours inviter les gens à cette parole. Apprendre cette parole, étudier cette parole, développer l'essence de cette parole, élargir la place de cette parole en nous, et ne jamais faiblir dans la da'wah à cette parole-là. Même si les gens pensent avoir compris parfaitement cette parole, même si les gens disent on a compris cette parole, tant que la personne n'a pas réussi cet examen dans sa tombe, elle n'a pas fini. Elle n'a pas fini. Elle n'a pas réussi. Elle n'a pas obtenu le succès. Wala hawla wala quwwata illa billah. Falaysa ahadun anfa'a lil'abdi min suhbati al-malaki lah wa huwa waliyuhu fi yaqadati wa manami wa hayati wa 'inda mawti wa fi qabri wa mu'nisuhu fi wahshatihi wa sahibuhu fi khalwatihi wa muhaddithuhu fi sirrihi yuharibu 'anhu 'aduwwahu wa yudafi'u 'anhu ويعينه عليه ويعد بالخير ويبشر به ويحث على التصديق بالحق كما جاء في الأثر الذي يروى مرفوعا وموقوفا إن للملك بقلب ابن آدم بقلب ابن آدم لمة وللشيطان لمة فلمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالوعد ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit: rien n'est donc plus utile à l'homme que la compagnie de l'ange, qui est son allié dans son éveil, dans son sommeil, dans sa vie, au moment de sa mort et dans sa tombe, sa compagnie dans la solitude. Lorsqu'il est seul, cet ange-là devient son assise. Il est avec lui. Son compagnon dans l'isolement, celui qui lui parle en secret, combat son ennemi. L'ange combat l'ennemi d'Ibn Adam. Comme Allah Azza wa Jal a permis aux anges qui se sont concurrencés pour descendre le jour de la bataille de Badr. Pourquoi ? Parce que ces gens-là étaient les proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces anges-là ont donc été leurs alliés et ils ont repoussé le mal de Quraysh, des croyants. Combat son ennemi, le protège et le soutient contre lui, lui promet et lui annonce le bien et l'encourage à croire en la vérité, ainsi qu'il est rapporté dans le récit attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aux compagnons. Quand on dit marfou, c'est-à-dire que le texte a une chaîne de transmission qui arrive jusqu'au prophète alayhi salatu wa sallam. Et quand on dit mawquf, ça veut dire qu'elle s'arrête à un compagnon et ne remonte pas jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'ange et le démon disposent d'une voix dans le cœur du fils de Adam. L'inspiration de l'ange consiste à encourager au bien et à la foi en la promesse d'Allah. Et l'insufflation du démon consiste à encourager au mal et à renier la vérité. Dans le Coran, on a un témoin pour cela, c'est le verset dans lequel Allah Azza wa Jalla nous dit: "Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfi yahfazuna min amrillah." Allah dans le Coran nous enseigne qu'on a avec nous des anges. Na'am, devant, derrière, et ils nous préservent de l'ordre d'Allah. C'est-à-dire qu'ils nous protègent de tout ce qui nous a pas été décrété. Mais lorsqu'Allah Azza wa Jalla décrète la chose, l'ange laisse, yani s'efface, si on peut dire ainsi. Dans le tafsir, il me semble qu'ils disent, il s'éloigne, na'am, pour qu'il soit touché par le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voici une compagnie qu'il nous faut honorer, qu'il nous faut considérer, qu'il nous faut demander, rechercher. Une compagnie, lorsqu'on l'obtient, il nous faut la préserver. Al-aqil, celui qui est doué d'intelligence, doué de raison, lorsqu'il sait quel bénéfice et quel baraka il a à avoir cette compagnie, comme on a lu les différents points, il ne va pas négliger cette compagnie. Et il ne va rien faire qui pourrait éloigner de lui cette compagnie. Et il va chercher à tout faire pour augmenter, renforcer cette compagnie. Et en deux mots, elle se concrétise en faisant le bien et en s'éloignant du mal. Elle se concrétise en faisant le bien et en s'éloignant du mal. وَإِذَا اشْتَدَّ قُرْبُ الْمَلَكِ مِنَ الْعَبْدِ تَكَلَّمَ عَلَى لِسَانِ وَأَلْقَى عَلَى لِسَانِ الْقَوْلَ السَّدِيدِ وَإِذَا بَعُدَ مِنْهُ وَقَرُبَ مِنْهُ الشَّيْطَانِ تَكَلَّمَ عَلَى لِسَانِ وَأَلْقَى عَلَيْهِ قَوْلَ الزُّورِ وَالْفُحْشِ حتى ترى الرجل يتكلم على لسان الملك والرجل يتكلم على لسان الشيطان وفي الحديث إن السفينة تنطق على لسان عمر رضي الله عنه. Si la proximité de l'ange s'accentue, il parlera par sa voix et lui inspirera des paroles justes. Mais s'il s'éloigne et que le démon se rapproche de lui, c'est alors qu'il lui parlera de sa voix, la voix du shaitan, et lui inspirera des paroles mensongères et obscènes. Et ce, jusqu'à ce qu'on voit l'ange ou le démon parler par la voix de cet homme. Plus la personne est dans le bien, plus son allié c'est l'ange. Et l'ange le pousse vers le bien et le pousse à dire le bien. Et plus il est dans les péchés, plus sa proximité, son assise, ce sont les shayatin. Et ces derniers le poussent vers le péché. Et le pousse à dire le mal et à faire le mal. C'est pour ça qu'en état de colère, le prophète alayhi salatu wassalam a attiré notre attention sur ça. Et il nous a dit de dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Parce qu'en dans le moment de colère, le shaitan tente de parler par ta langue, tente de te faire dire les mauvaises choses. Donc toi, au moment de la colère, qu'est-ce que tu fais? Tumsik, tu retiens ta langue. Tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Taskun, tu fais le contraire de ce vers quoi Shaitan t'appelle. Tu brises l'élan que Shaitan veut te donner vers le mal. Cet élan qui finit que par des regrets. Cet élan qui finit que par quoi? Par des regrets, mais parfois c'est trop tard. Personne n'a plus le temps de se repentir, de demander pardon aux gens qu'elle a opprimés, et ainsi de suite. Parce que l'ange de la mort s'est mis entre lui et ce regret ou cette envie qu'il a repoussé. Donc, il faut retenir sa langue, si ce n'est du bien. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Ou qu'il se taise. Qul khayran taghnam aw iskut an sharrin taslam min qabli an tandam. Dis du bien, tu obtiendras le butin. Ou tais-toi devant un mal, tu obtiendras le salut avant de proférer des paroles qui amèneront le regret. Et le poète disait: combien de fois j'ai parlé, j'ai regretté, mais je n'ai jamais observé le silence, puis j'ai regretté. Donc la personne doit faire attention à cela. Elle ne doit pas laisser Shaitan lui faire dire des choses par laquelle, et après lesquelles, il regrettera. Et combien sont ceux qui appellent suite à un troisième divorce prononcé parce qu'ils n'ont pas retenu leur langue à un moment de colère. Ils n'ont pas retenu leur langue à un moment de colère. Puis il y a des Amada, il y a des conséquences dramatiques et une destruction de la famille. Naam, de la famille, de l'éducation des enfants et de la droiture du foyer. Naam. Tout ça parce que la personne n'a pas prêté attention à cet enseignement prophétique. Le fait de retenir sa langue au moment de la colère. Le fait de ne pas laisser Shaitan nous pousser à dire la parole après laquelle il y a le regret. Donc, il faut deux choses. Trouver une parole, une bonne parole à dire, la dire. Dans le cas contraire, observer le silence. Dans le cas contraire, observer le silence. Donc l'ange du croyant le protège et le défend, il lui enseigne, l'affermit, il lui donne du courage. Taïb, avant ça, non. Si la proximité de l'ange s'accentue, il parlera par sa voix et lui inspirera des paroles justes. Mais s'il s'éloigne et que le démon se rapproche de lui, c'est alors qu'il lui parlera de sa voix et lui inspirera des paroles mensongères obscènes. Et ce, jusqu'à ce qu'on voit l'ange ou le démon parler par la voix de cet homme. Il est dit dans le hadith, la quiétude parle de la voix de Omar. Un homme pouvait entendre une parole pieuse d'un homme pieux et dire « c'est l'ange qui te l'a inspiré ». Et il pouvait entendre le contraire et dire « c'est le démon qui te l'a inspiré ». وكان احدهم يسمع الكلمه الصالحه من الرجل فيقول ما القاها على لسانك الا الملك واسمع ضدها فيقول ما القاها على لسانك الا الشيطان فالملك يلقي في القلب الحق ويلقيه على اللسان والشيطان يلقي الباطل في القلب ويجريه على اللسان. Ainsi l'ange inspire la vérité dans le cœur et sur la langue. Et le démon inspire le faux dans le cœur et sur la langue. Dans Sourate Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre qu'on envoie les shayatin sur ceux qui n'ont pas la foi, ta'uzzuhum azza. Il les pousse, il les excite dans le mal. Naam. À l'inverse, pour celui qui est dans la piété, celui qui fait le bien, la bonne action, elle appelle la bonne action. Quand il fait une bonne action, sa sœur lui dit, fais-moi, moi aussi. Quand il fait la deuxième, la troisième, lui dit, i'malni ana aïva, wa hakada. L'ange le pousse vers le bien. Ibn Qayyim nous dit à un point tel que s'il ne fait pas le bien, il se sent mal. Tout comme celui qui est que dans le péché, un péché après l'autre, s'il n'est pas dans le péché, il se sent mal et il en manque de son péché. De la même façon, celui qui est que dans le bien, qui est dans l'obéissance d'Allah, qui goûte aux délices de la foi, quand il ne fait pas le bien, il se sent mal. Un des pieux prédécesseurs, subhanallah, son frère fillah est venu le visiter. Et il l'a trouvé en train de pleurer. Et il lui a dit, Maloubkik, il lui a demandé, qu'est-ce qui te fait pleurer? Il n'a pas voulu lui dire. Alors, ce pieux prédécesseur dit, j'ai insisté. C'est Abu Ja'far al-Baqqal qui a visité. Il nous dit, Dakhaltu ala Ahmad ibn Yahya. Faraitu yabki. Je l'ai trouvé en train de pleurer. Buka'an kathira. Il pleurait énormément. Ma yakadu yatamalak. Il n'arrivait plus à s'arrêter. Fakultu lahu, akhbirni ma haluk. Je lui ai donc demandé, quel est cet état? Que t'arrive-t-il? Fa'arada ayaktuma anni. Il a essayé de cacher, de détourner la chose. فلم أدعه حتى قال لي فاتني حزب البارحة ولا أظن ذلك إلا بأمر أحدثته. Écoutez ce athar. Abu Ja'far al-Baqal, rahimahullah, a visité Ahmad ibn Yahya. Il l'a trouvé en train de pleurer énormément et lui a dit « Pourquoi est-ce que tu pleures ?» Ce dernier n'a pas voulu lui répondre et a voulu cacher cela. Mais il a grandement insisté. Au final, il lui a dit « Cette nuit, je n'ai pas prié. Cette nuit, je n'ai pas lu le Coran. J'ai perdu mon wird. J'ai perdu ma... Yani mon habitude de prier, de lire le Coran cette nuit-là. Subhanallah. Subhanallah. Il priait toutes les nuits. Une nuit, il n'a pas réussi à se lever. Il a pleuré énormément. C'est pas fini. Il lui dit, cette nuit, je n'ai pas prié, je n'ai pas lu le Coran. Et j'en suis sûr que c'est à cause d'un péché que j'ai commis. J'en suis sûr que c'est à cause d'un péché que j'ai commis. Puis il s'est remis à pleurer. Il s'est remis à pleurer. Alors, Abu Ja'far a voulu le consoler. Et lui a dit, pourquoi est-ce que tu pleures pour un sommeil qu'Allah t'a donné? Et c'est Allah qui t'a fait dormir ainsi. Il lui a dit, éloigne-toi de moi et essaye pas de me détourner. Non. Lui, il a voulu le... Il a voulu le l'apaiser en lui disant ces paroles. Mais il n'a pas accepté. Il a dit, non, j'en suis sûr que c'est à cause d'un mal que j'ai commis. C'est à cause d'un mal que j'ai commis. Comme l'un des pieux prédécesseurs disait, Al-Hassan al-Basri, bien sûr, Al-Thawri, « La tu'asillaha fil-nahar, fayuqimuka bayna yadayhi fil-layl. » Ne désobéis pas Allah la journée, en espérant ensuite qu'il te maintienne debout devant lui durant la nuit. « Fa'inna qiyam al-layl sharaf. » Car certes, prier la nuit, c'est une noblesse. « Wa sharafullah la yu'ta lil-asi. » Et la noblesse d'Allah n'est pas donnée aux pécheurs. Et un homme est parti voir Al-Fudayl ibn Iyad et lui a dit, Ya Abu Sa'id, oh Abu Sa'id, j'ai préparé mon eau pour faire le wudu. J'ai préparé ma place pour prier. J'ai tout fait, j'arrive pas à me lever. Il lui a dit, Qayyadat ka dhunubuk. Il lui a dit, tes péchés t'ont enchaîné cette nuit. Tes péchés t'ont enchaîné cette nuit. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Donc faut qu'on revienne à Allah Azza wa Jalla. Faut qu'on se repente à Allah Azza wa Jalla, qu'on délaisse les péchés. Si on veut espérer un jour faire partie de cette délégation qui avance à toute allure vers Allah Azza wa Jalla. As-sa'iruna ila Allah Azza wa Jalla. Ceux qui avancent à la vitesse du vent vers Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et ceux qui traverseront un sirat à la vitesse de l'éclair ou du vent vers le paradis d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Donc le serviteur d'Allah Azza wa Jalla qui est dans l'obéissance d'Allah et qui est dans la droiture, l'ange le soutient, il l'encourage, il le pousse. Et lorsqu'il ne met pas en pratique l'adoration, il s'en veut. Et il est peiné, il est attristé, il se sent mal. À l'inverse, celui qui est dans les péchés et qui est poussé par le diable, lui, quand il ne commet pas le péché, il n'en peut plus. Dépendant du péché, humilié devant son shaitan, enchaîné par ses passions. Wala hawla wala quwwata illa billah. فمن عقوبة المعاصي أنها تبعد من العبد وليه الذي ساعدت سعادته في قربه ومجاورته وموالته وموالاته وتدني منه عدوه الذي هلاكه وشقاؤه وفساده في قربه وموالاته حتى إن الملك لينافع عن العبد ويرد عنه إذا سفه عليه السفيه وسبه كما اختصم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فجعل أحدهما يسب الآخر وهو ساكت فتكلم بكلمة يرد بها على صاحبه فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لما رددت عليه بعض قوله قمت فقال كان الملك ينافع عنك فلما رددت عليه جاء الشيطان فلم أكن لأجلس Rahu Abu Daoud. Les péchés éloignent donc l'homme de son allié dans la proximité, la compagnie et l'alliance duquel réside son succès. De même qu'il le rapproche de son ennemi dans la proximité et l'alliance duquel réside son malheur et sa perte. Si bien que l'ange défend l'homme et le protège lorsque l'insensé le sot, l'insensé, se montre obscène et vulgaire envers lui. L'ange est tellement l'allié du fils de Adam qui est pieux, que lorsqu'une personne bête et insensée insulte celui qui est croyant et pieux, c'est un ange qui vient et qui le défend et qui répond à sa place. C'est un ange qui vient et qui le défend et qui répond à sa place. Comme il a été rapporté dans le hadith, deux hommes se disputèrent devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'un se mit à insulter l'autre, qui, lui, restait silencieux. Puis il eut des propos par lesquels il répondit à son opposant. Donc il y a deux personnes. Un parle mal à l'autre et l'autre observe le silence. Au bout d'un moment, l'autre répond une parole. Alors qu'il en a reçu beaucoup, il répond une fois. À ce moment-là, le prophète alayhi salatu wassalam s'est levé et il est parti. L'homme qui a observé le silence et a répondu une fois lui a dit: oh messager d'Allah, lorsque j'ai répondu à certains de ces propos, tu t'es levé. Il répondit sallallahu alayhi wa sallam: il y avait un ange qui te défendait. Mais lorsque tu lui as répondu, le démon est venu, un diable est venu, et je ne m'assois pas à un endroit où il y a un shaitan. Subhanallah. L'allié du croyant pieux dans toute situation, c'est l'ange. Même lorsqu'il se fait insulter, même lorsqu'il se fait opprimer, l'ange répond. Lui, il observe le silence. Il ne profère pas de mauvaises paroles. Il patiente, il endure, pour avoir la meilleure des récompenses. Et s'il veut faire une chose, alors il lui rend semblable. Il lui rend le semblable. Il lui rend plutôt l'équivalent. فَإِنْ عَقَبْتُمْ فَإِنْ عَقْفَأَشْ فَعَقِبُوا بِهِ فِمَا عُقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. Donc on nous montre que lorsqu'on reçoit un mal, on a le droit de rendre un mal semblable. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Mais celui qui ne rend pas ce mal-là et qui pardonne, sa récompense elle est chez Allah. Et celui qui reçoit un mal, il a le droit de rendre un mal équivalent. Mais Allah nous dit innahu la yuhibbul mu'tadin. Mais tu n'as pas le droit de rendre plus. Allah n'aime pas ceux qui transgressent. Meilleur que tout ça, l'endurance. Supporter son mal, na'am, et endurer. Donc il y a trois étapes qu'on nous enseigne dans le Coran. La première, c'est la transgression. On te fait un mal, tu fais pire. Ça c'est haram, c'est une transgression. La deuxième, c'est la justice. On te fait un mal, tu rends un mal. T'insultes, t'as le droit de l'insulter. Te fait un mal, t'as le droit de lui refaire la même chose. Tu te défends. Tu lui rends. Et l'excellence, c'est quoi? C'est que tu patientes et t'attends ta récompense chez Allah. Plus grand que ça, tu lui pardonnes. Il te fait du mal, tu lui pardonnes et tu lui donnes du bien. Par exemple, une personne a parlé sur toi. Ou une personne t'a volé un bien. Tu lui pardonnes. Tu la pousses au repentir. Et en plus, tu lui fais des sadakats. Parce qu'elle est dans le besoin. Tu lui fais des sadakats alors qu'elle t'a volé, elle t'a fait du mal. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا صَابِرُونَ. Ne peut atteindre ce niveau-là que les gens passent. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala était avec ses ennemis comme on n'arrive pas à être avec nos amis. Lorsque l'un de ses pires ennemis est décédé, il est parti voir sa famille et leur a dit: je suis comme votre fils à partir de maintenant. Tout ce dont vous avez besoin comme bien, vous me demandez à moi. Vous me demandez à moi. C'est ainsi qu'il était rahimahullah ta'ala. Et lorsqu'on est venu voir l'imam Ahmed, lorsque le gouverneur a changé, qu'il avait la aqidah d'Ahl Sunnah, on est venu voir l'imam Ahmed pour le venger de ceux qui avaient été la cause de son emprisonnement, ceux qui avaient demandé sa mise à mort, na'am, ceux qui l'avaient fouetté jusqu'au sang, jusqu'à s'évanouir à plusieurs reprises. Na'am, on est venu pour lui dire: tu donnes un ordre et ils meurent tous. Il leur a dit: si c'est pour moi, faqad afawtu anhu. Allahu Akbar. Il leur a dit: c'est pour moi que vous voulez faire ça, moi je leur ai pardonné. Moi je leur ai pardonné. Subhanallah. Subhanallah. Au jour d'aujourd'hui, tu trouves que l'homme fait une petite injustice à son frère, il ne te pardonne pas jusqu'à Al-Qiyam. Allahu Akbar. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne, vous? Combien de fois on désobéit Allah Azza wa Jalla, on veut qu'Allah nous pardonne. Mais lorsqu'une personne nous fait un mal, on ne veut plus lui pardonner. Yabna Adam, ismah yusmah lak. Dans le hadith, pardonne, excuse, tu seras excusé. Et Allah Azza wa Jalla a révélé. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Qu'il pardonne, qu'il absolve. N'êtes-vous pas vous qu'Allah vous pardonne? Quand Abu Bakr a entendu ce verset, il a dit, eh wallah, par Allah, j'aime qu'Allah me pardonne. Il a pardonné à Misbah, qui avait parlé sur sa fille, Aïcha, la femme du prophète, alayhi salatu wassalam. Puis il partait, il faisait des sadaqat avec son argent. Allahu Akbar. Il a parlé sur sa fille. Sa fille est tombée malade, elle pleurait jusqu'à plus avoir de larmes. La femme du prophète, la fille d'Abu Bakr, la meilleure, une des mères des femmes. Abu Bakr, avec un verset, il lui a pardonné. Plus, il lui donnait de l'argent, fils Abilillah, parce que Misbah était un muhajiri dans le besoin. C'est ainsi qu'on doit être entre nous. Quand c'est un droit entre nous. Par contre, le haq d'Allah, ça c'est autre chose. Celui qui transgresse dans le din, ça c'est autre chose. Dans l'aqidah ou dans le sunnah, ça c'est autre chose. Ça c'est pas rattaché à nous. Ça c'est le droit du prophète, ça c'est le droit d'Allah Azza wa Jal. Ça on est obligé de parler dans ça. Et on ne peut pas excuser pour autrui. Hakada. On ne va pas dire on s'allie avec l'innovateur pour avoir un bon comportement. Non, là c'est le droit d'Allah. Là c'est le droit du prophète alayhi salatu wassalam. On ne peut pas enlever le droit du prophète alayhi salatu wassalam. Non. Mais là on parle de ce qui nous concerne nous entre nous. Une parole de trop, un droit en moins et ainsi de suite. Pareillement dans les maisons. Entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre l'homme et son épouse, entre le frère et sa sœur, quand elle convient que la relation elle soit basée sur la tassam, na'am, sur le fait d'excuser. Celui qui a ces comportements-là, c'est l'ange qui va répondre pour lui. C'est l'ange qui va le défendre. Puis Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, donc ce hadith, na'am, est discutable dans sa chaîne de transmission. وَإِذَا دَعَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمَ لِأَخِيهِ وَإِذَا دَعَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ أَمَّنَ الْمَلَكُ عَلَى دُعَائِهِ وَقَالَ لَكَ بِمِثْلِ وَإِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ أَمَّنَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى دُعَائِهِ وَإِذَا أَذْنَبَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ الْمُوَحِّدُ الْمُتَّبِعُ لِسَبِيلِهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَغْفَرَ لَهُ حَمَلَةُ الْعَرْشِ وَمَنْ حَوْلَهُ وإذا نام على وضوء بات في شعاره ملك. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit ensuite, lorsque le musulman invoque en faveur de son frère en son absence, quand tu fais dua pour un musulman qui n'est pas là, l'ange dit amin à son invocation et il dit et toi de même. C'est-à-dire celui qui fait dua pour un muslim ou une muslima en son absence, l'ange encore et à nouveau est avec lui. Il dit amin à sa dua et en plus il fait dua pour celui qui invoque. Il dit à toi aussi qu'Allah t'accorde la même chose. Lorsqu'il finit la fatiha, il y a des anges qui disent amin. Et dans le hadith, il a amman al-imam fa amin. Lorsque l'imam dit amin après l'arrestation de la fatiha, dites amin. فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Car celui qui dira Amin, en même temps que les anges diront Amin, se verra pardonner ses péchés passés. Se verra pardonner ses péchés passés. C'est la preuve que les anges disent Amin lorsqu'il y a l'arrestation de l'Fatiha dans la salat. Lorsque le croyant monothéiste qui suit la voix d'Allah et la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, appelle à la prière, les anges porteurs du trône ainsi que ceux autour demandent pardon pour lui. Lorsqu'il dort en état de pureté rituelle, un ange passe la nuit contre lui. À chaque fois qu'il se lève la nuit, il demande pardon pour lui. Dans le verset, dans Surat Ghafir, le verset 7, Allah subhanahu wa ta'ala me dit, الَّذِي يَحْمِلُ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِيمَ عَذَابَ الْجَحِيمِ. Donc ceux qui portent le trône et ceux qui sont autour proclament la pureté et la perfection de leur Seigneur, et ils ont foi en lui, et ils demandent pardon pour ceux qui ont la foi. Ô notre Seigneur, tu as embrassé toutes choses de ta miséricorde et de ta science, pardonne donc à ceux qui se repentent et ont suivi ta voie et préserve-les de l'enfer. Donc ça nous montre que les anges et ceux qui portent le trône et ceux qui sont autour invoquent en faveur du croyant, invoquent et demandent pardon pour le croyant. Quant au hadith qui dit que lorsque le serviteur dort avec le wudu, le mada, l'ange, dort contre lui, ce hadith a été rendu faible par certains savants du hadith. فَالْمَلَكُ الْمُؤْمِنِ يَرُدُّ عَنْهُ فملك المؤمن يرد عنه ويحارب ويدافع ويعلمه ويثبته ويشجعه فلا يليق به من فلا يليق به أن يسيء جواره ويبالغ في أذاه وطرده عنه وإبعاده فإنه ضيفه وجاره. وإذا كان إكرام الضيف من الآدميين والإحسان إلى الجار من لزوم الإيمان وموجباته فما ظن بإكرام أكرم الضياف وخير الجيران وأبرهم يعني الملائكة عفوا. L'ange du croyant le protège et le défend. Il lui enseigne, l'affermit et lui donne du courage. Il ne convient donc pas qu'il agisse mal à ses côtés. Lui nuise avec excès et le chasse, car il est son hôte, son invité et son voisin. Plutôt son hôte. Yani en arabe, la différence entre un daif et un zaïr, c'est que nous, ce qu'on appelle l'invité, c'est un zaïr. En arabe. Quant au daif, c'est celui qui est étranger au balad. Un daif, l'hôte, c'est celui qui est étranger et qui est de passage dans cet endroit. C'est lui qu'on appelle un daif. Il a un droit sur nous, d'un jour et d'une nuit, et dans l'autre hadith, trois jours. Naam. Et nous, on confond entre le visiteur et l'invité dans le sens de l'hôte. L'hôte, c'est Dhaif, c'est celui qui est en voyage. Il n'est pas d'ici. C'est de lui qu'il s'agit quand on dit Dhaif. Quant à ceux que nous, on appelle les invités, on dit on a des invités, or qu'ils habitent dans la région, ces gens-là, cette personne-là, on l'appelle Az-Zahir, Az-Zahirun, les visiteurs. Est-ce que c'est compris? Il y a une différence entre les deux. Car il est son hôte et son voisin. Et s'il... Le fait d'honorer l'hôte parmi les hommes, les humains, et la bonté envers le voisin compte parmi les implications et conséquences de la foi, alors que dire du fait d'honorer le plus noble des hôtes et le meilleur des voisins, c'est-à-dire l'ange? Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala fait référence au hadith que n'est pas croyant celui qui n'honore pas son hôte. Naam. Et croyant celui qui honore son hôte. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfa. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jara. Celui qui croit en Allah au jour dernier, qu'il dise du bien ou se taise. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore son hôte Celui qui croit en Allah au jour dernier, qu'il ne nuise pas à ses voisins. Ibn Qayyim te dit, lorsque tu invites, lorsque tu reçois, lorsque tu honores l'invité, ça fait partie de la foi en Allah au jour dernier. Et c'est un invité, c'est un autre parmi les fils de Adam. Il te dit, que dire alors si tu as le meilleur des autres, le plus noble, le meilleur, c'est-à-dire l'ange? Ne convient-il pas, lui, de l'honorer encore plus? Hakada. Puis Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, وَإِذَا أَذَا الْعَبْدُ الْمَلَكُ بِأَنْوَعِ الْمَعَاصِ وَالظُّلْمِ وَالْفَوَاحِشِ دَعَ عَلَيْهِ رَبَّهُ وَقَالَ لَا جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا كَمَا يَدْعُو لَهُ إِذَا أَكْرَمَهُ بِالطَّاعَةِ وَالْإِحْسَانِ. Puis Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, si l'homme nuit à l'ange en commettant différentes formes de péché, quand l'homme fait des péchés, ça dérange l'ange. Si l'homme nuit à l'ange en commettant différentes formes de péché, d'injustice et de turpitude, son Seigneur invoque contre lui et dit qu'Allah ne te récompense pas par le bien. La traduction, c'est pas son Seigneur invoque contre lui. Da'a alayhi, c'est pas rabbuhu, c'est da'a alayhi rabbahu. يعني دعا الملك عليه على ابن آدم العاصي ربه. L'arabe c'est pas ça. L'arabe c'est que c'est l'ange qui invoque Allah, son Seigneur, contre le fils de Adam pécheur qui lui a nuit. Donc en français vous corrigez. Si l'homme nuit à l'ange en commettant différentes formes de péché, d'injustice et de turpitude, il invoque son Seigneur contre lui. Il invoque son Seigneur contre lui. Non pas son Seigneur invoque contre lui. C'est l'ange qui invoque Allah Azza wa Jal, son Seigneur, contre le pécheur parmi Ibn Adam. Qu'Allah ne te récompense pas par un bien. Qu'Allah ne te rétribue pas. C'est mieux. La récompense en général, ça va avec le bien. Al-Jaza, c'est la rétribution. La rétribution, ça peut être un bien, ça peut être un mal. Par contre, la récompense, na'am, selon ma faible connaissance, c'est que dans le bien. Wallahu a'lam. Ala kulli hal, plus adéquate de dire qu'Allah ne te rétribue pas par un bien. De la même manière qu'il invoque en sa faveur, si au contraire, il l'honore par l'obéissance et la bienfaisance. Quand il fait le bien, l'ange fait du'a en sa faveur. قال بعض الصحابة إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوا منهم وأكرموهم. Certains parmi les compagnons disaient, vous accompagne ceux qui ne vous quittent jamais, alors soyez gênés devant eux et honorez-les. Faut référence aux anges. ولا الأم ممن لا يستحي من الكريم العظيم القدر ولا يجله ولا يوقره وقد نبه سبحانه على هذا المعنى بقوله وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين أي استحيوا هؤلاء الحافظين الكرام وأكرموهم وأدلوهم أن يروا منكم ما تستحيوا أن يراكم عليه من هو مثلكم. L'auteur rahimahullah ta'ala nous dit, personne n'est plus blâmable que celui qui n'éprouve pas de pudeur envers le noble, le vénérable, et ne le respecte ni il ne le révère. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait référence à ce sens dans sa parole, dans la traduction des Sansons, alors que des anges gardiens veillent sur vous, de nobles anges qui inscrivent vos faits et gestes et qui savent ce que vous faites. Allah Azza wa Jalla dans le Coran nous informe qu'on a constamment avec nous des anges. Constamment avec nous des anges. Un ange à droite qui inscrit les bonnes actions. Un ange à gauche qui inscrit les mauvaises actions. Il y a le consensus des savants sur ce. Kiraman katibin, de nobles scribes, na'am, ils inscrivent tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit. Ya'lamuna ma taf'alun. Ils savent ce que vous faites. Les savants ont dit, ce verset pousse à la pudeur. Avoir honte d'être vu par les anges dans des actions qu'on aurait honte de faire devant Ibn Adam. Et s'il en est ainsi envers des créatures, à plus forte raison devant le Créateur subhanahu wa ta'ala. Al-Raqib, Al-Samir, Al-Basir, Al-Latif, Allam al-Ghuyub. Celui qui voit tout, celui qui entend tout. Celui qui surveille tout. Celui qui est parfaitement informé des choses, parfaitement savant des choses de l'invisible. وَالْمَلَائِكَةُ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُوا آدَمُ فَإِذَا كَانَ ابْنُ آدَمَ يَتَأَذَّى مِمَّنْ يَفْجُرُ وَيَعْصِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَإِنْ كَانَ قَدْ يَعْمَلُ مِثْلَ عَمَلِهِ فَمَا الظَّنُّ بِأَذَى الْمَلَائِكَةِ الْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala finit avec cette belle parole en disant: donc autrement dit, éprouvez de la gêne devant ces nobles gardiens, honorez-les, révérez-les, afin qu'ils ne voient pas ce dont vous serez gênés que vos semblables ne voient, c'est-à-dire parmi les fils de Adam. Et les anges sont également touchés par ce qui nuit à l'homme. Ainsi, si l'homme subit un tort face à celui qui commet des turpitudes et désobéit devant lui, même s'il peut agir lui aussi de la sorte, alors que dire du tort causé aux nobles anges, scribes, qu'Allah nous vienne en aide. Ibn Qayyim nous dit, lorsque des gens commettent des péchés à côté de toi, ils désobéissent à Allah Azza wa Jal et font des choses sales, ça te dérange. Alors que toi, Ibn Adam, tu es sujet au péché. Il se peut que toi aussi, que nous aussi, nous tombions dans ces péchés. Ibn Qayyim dit, toi, tu es gêné de voir à côté de toi quelqu'un faire du mal. Quelqu'un commettre des turpitudes et faire des choses sales et désobéir à Allah Azza wa Jal. Alors que nous, Ibn Adam, kullu bani Adam khata. Tout fils de Adam est sujet à la faute. On peut nous aussi tomber dans sa'ad Allah wa iyyakum min dhalik. Ibn Qayyim nous dit, que dire alors de la nuisance que ça génère chez les anges? Les anges, eux, ne commettent pas de péché. Les anges, eux, Allah Azza wa Jal les a décrits en disant « La ya'asuna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'maru » Ils ne désobéissent jamais Allah dans ce qu'il leur commande. Et ils font constamment ce qu'il lui leur demande. Et ils sont tout le temps dans l'obéissance d'Allah. « La yaf'aluna » Ils ne se lâchent jamais. Que dire alors de la nuisance qu'on leur fait lorsqu'on désobéit Allah subhanahu wa ta'ala? Ibn Qayyim dit « Wallahu musta'an » Donc ça, c'est une grande porte du délaissement des péchés. C'est le fait d'avoir honte du regard des anges et de l'écriture des anges. Car tout ce qu'on fait, c'est écrit. Et ce qui est écrit, on le trouvera yawm al-qiyamah, on va nous remettre nos livres. Iqra kitabak. Faman utiya kitabahu biyamini. Naam. Faman utiya kitabahu wara'a dhahri. Et dans l'autre verset, Shimali, yani Allah nous enseigne dans le Coran qu'il y aura la remise des livres, des feuillets. Certains vont récupérer leurs livres de la main droite, comme dans Surat Al-Haqqa et dans Surat Mada, Ida Sama'un Shakkat. D'autres vont récupérer leurs livres de la main gauche. Wara'a dhahri. De la main gauche, derrière leur dos. Ça, c'est l'avis de ceux qui ont uni entre les deux versets. Certains savants disent à trois catégories. Il y a ceux qui vont récupérer leur livre de la main droite. Comme dans Suratou Al-Haqqa, comme dans Surat Ida Amada Ida Sama'un Shakkat. La deuxième catégorie, ceux qui vont recevoir leur livre de la main gauche. Bishimali, comme dans Surat al-Haqq. Et ils ont dit la troisième catégorie, c'est dans Surat Ida Sama Unshaqqat, Wara Azahri, ceux qui vont recevoir leur livre de derrière leur dos. De derrière leur dos. D'autres savants ont dit non, il y a deux catégories. La première catégorie est ceux qui vont recevoir leur livre de la main droite. La deuxième catégorie est ceux qui vont recevoir leur livre de la main gauche, de derrière leur dos. Jam'an bayn al-adillah. En unissant entre les différents textes. C'est-à-dire qu'ils vont prendre leur livre. Allahu a'lam bil kayfiyya. Mais ils vont le prendre de la main gauche et de derrière leur dos. Na'am. Nas'Allah azza wa jal ayyamina kitabana. On demande à Allah azza wa jal qu'il nous aide afin de recevoir notre livre de la main droite. Et lisez la grande joie et le summum du plaisir que vont avoir ceux qui vont recevoir leur livre de la main droite. Dans Suratu Al-Haqqa, Subhanallah, ils vont courir vers leurs proches. Ha'u muqra'u kitabiya. Regardez, lisez mon livre. Inni esh ha'u muqra'u kitabiya. Esh inni valantu anni mulaqin hisabiya. Fahuwa fi ishatin radiya. Fi jannatin aliya. Utufu adaniya. Jusqu'à la fin des versets. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ils vont se réjouir énormément. Ils ont œuvré tout ce qu'ils ont fait dans ce bâton. C'était pour ce jour-là. Allahu Akbar. Et ils réussissent leurs examens. Ils réussissent leurs examens. Ne voyez-vous pas la joie de l'homme lorsqu'il a son bac? Wallahi, on a eu notre bac, ça n'a rien changé dans notre vie. Alhamdulillah, ça fait plaisir à nos parents. Ils étaient contents, ils étaient heureux. Mais ça n'a rien changé dans notre vie. Ça ne nous a pas rapprochés d'Allah. Ça ne nous a pas éloignés de l'enfer. Une reconnaissance personnelle. On était content un jour, un an. Qu'est-ce que ça a changé? Ça n'a rien changé, wallah, dans notre vie. Notre risque, il venait avant le bac, il vient après le bac encore plus. Non? D'accord. Par contre, cet examen-là, et même ceux qui ont raté le bac, ils l'ont repassé, ils l'ont eu, ou bien ils ne l'ont pas eu, ils travaillent, ils mangent, ils dorment comme nous. Ça, oh là là. Ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Là, ils n'ont pas de diplôme. Ils ont eu les plus grandes places. Ils ont eu les plus grandes places. Quand ils ont demandé à certains parmi les grands imams, Ibn Baz, rahmallahu ta'ala, ou bien d'autres, ils ont dit, pourquoi on ne te donne pas la shahada, tu fais ça, on te donne la shahada. Il a dit, yakfini shahada tu an la ilaha illallah. Yakfini shahada tu an la ilaha illallah. Hein? L'attestation de la ilaha illallah nous suffit. Amma la shahada du papier. T'obtiens tel diplôme, t'obtiens telle chose. Cheikh Mokbili, Ibn Hadi al-Wadi'a rahimahullahu ta'ala, il disait toutes ces shahadat, c'était un grand savant de l'islam, il disait toutes ces shahadat, jette-les contre le mur. Toutes ces shahadat, c'est pas ça qui fait que t'as un homme, c'est pas ça qui fait que t'as du ilm, c'est pas le bout de papier. La shahada, c'est la shahada chez Allah Azza wa Jal. Al-Iman wa al-Amal al-Salih, ça c'est shahada عند Allah. Al-Iman, la foi. Al-Iman al-Sahih, la foi correcte. Wal-Amal al-Salih, et les actions pieuses, avec ikhlas, en conformité avec la sunnah. Ça, c'est l'attestation qu'on doit tous chercher. Ça, c'est l'agrément qu'on doit tous obtenir et rechercher. Quant au papier, c'est pas ça qui fait que t'es un homme. C'est pas ça qui fait que t'es élevé. C'est pas ça qui fait que t'as une place. Ça, c'est chez les gens de la dunya. Amma chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est bil-Iman wal-Amal al-Salih. Bil-Iman et al-Amal al-Salih. Combien parmi nos frères yahfadun al-Qur'an wa yaqumun al-layl? Ils n'ont pas de diplôme. Ils connaissent le Qur'an par cœur, ils se lèvent la nuit. Na'am. Muhafidun ala salawat, ils préservent leurs salawat. Wa hum min ahsanin nas akhlaqan ma'a aba'ihim. Parmi les meilleures personnes en matière de comportement avec leurs parents, avec leurs proches, ces gens-là n'ont pas de diplôme. Fal-ibra bil-haqa'iq. Ce qui compte, c'est la réalité des faits, des choses, la aqida, du amal. Barakallahu fikum. Donc Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala finit en disant qu'on doit avoir honte. On doit avoir honte que les anges notent nos péchés. On doit avoir honte de faire des péchés parce qu'on nuit aux anges. Et ça, à la base, il se base sur le hadith. Lorsque la personne a mangé de l'ail, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de ne pas approcher nos mosquées. Celui qui mange de l'oignon ou bien de l'ail, il ne doit pas approcher la mosquée. Il prie chez lui, il ne prie pas au mosquée. Puis il a dit, فَإِنَّ الْمَلَائِكَ, certes les anges, تَتَأَذَّى, reçoivent des nuisances, comme le fils de Adam reçoit des nuisances. تَتَأَذَّى مِمَّا تَأَذَّى بِنُ Adam. C'est-à-dire que la personne qui mange de l'oignon ou bien de l'ail, elle aura une haleine qui va refléter cela, ça va déranger son voisin, ça va déranger les gens au mesdit, n'est-ce pas? Ben ça dérange aussi les anges, parce que les anges les dérangent, ce qui dérange Ibn Adam. Et là on ouvre une parenthèse. Ceux qui fument la cigarette, ceux qui fument la cigarette, ittaqullah azza wa jalla, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Vous nuisez aux anges et vous nuisez aux serviteurs pieux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'un d'entre eux, pendant le mois de Ramadan, la dernière chose qu'il fait avant le Fajr, c'est d'écraser sa cigarette devant le masjid. Ittaqullah azza wa jalla. Ittaqullah azza wa jalla. C'est haram. La cigarette, c'est haram. La cigarette, c'est du gaspillage. Inna al-mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin. Et Allah dit que les, il nous enseigne que les gaspilleurs sont les semblables des shayatin. Ils ont une ressemblance avec les diables. Naam. La cigarette, c'est un suicide lent. Intihar un bati, c'est un suicide lent. La cigarette, c'est une nuisance pour la communauté. C'est une nuisance pour l'air. C'est une nuisance pour la amana, pour ton corps. Ton corps, c'est une amana. Tu as la responsabilité de ton corps. Yom al-Qiyam, on va te questionner sur ça. La cigarette, ça détruit cette amane. La cigarette, ça nuit à tes enfants. Combien d'hommes et de femmes fument et leurs enfants, ils naissent avec des maladies. Ittaqullah azza wa jalla. Délaissez cela. Délaissez cela. Wasta'inu billahi azza wa jalla tarki hadha al-khubth. Naam. Et aidez-vous d'Allah azza wa jalla dans le délaissement de cette chose qui nuit. Celui qui fume, il sent mauvais. Sa bouche, elle sent mauvais. Il dérange les anges. Il dépense son argent dans le haram, il gaspille son argent dans le haram, et peut-être qu'après il dépense même pas ça pour sa famille. Le prophète alayhi salatu wassalam te dit, Abdallah, tu ne mettras pas une bouchée dans la bouche de ton épouse, tabtari bidhalika wajh Allah, en recherchant avec cela le visage d'Allah, sans qu'Allah ne te récompense. Et toi tu prends cet argent là et tu vas l'acheter des cigarettes. Tasaddaq bihad al-mal. Dépense cet argent, fais des aumônes avec cet argent. Amma la cigarette, c'est haram. Et pire que la cigarette, la chicha. Naam. Pire que la cigarette, la chicha. Au jour d'aujourd'hui, tu trouves des musulmans qui ont ça chez eux. Je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle cette machine. Khabith. Hein? Naam. Et ils se font trahir par un shaitan. Comme il y a des goûts à la pomme, à la fraise, à ces choses-là. C'est comme si on met du poison et on le met dans un paquet de bonbons. On le met dans sa chair. Dans un sachet. Hein? C'est comme si on met du poison et on met un beau vêtement rose. Est-ce que ça devient bon? Somme. Le poison, ça reste du poison. La cigarette, ça reste la cigarette. Haram, ça reste haram. La chicha, c'est haram. Et d'aller dans ces chichas-là, c'est haram aussi. S'asseoir dans ces endroits-là, rester dans ces endroits-là, avec ces gens-là, c'est haram. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Beaucoup de gens ont été éprouvés par ces endroits-là. Ittaqullah, délaissez les endroits où il y a les shayatin. Et venez dans les endroits où il y a le malaïka. Wallahu a'lam wa sallallahu ma baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wa ba'd. Le dernier effet qu'a cité Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dans cette longue succession d'effets des péchés et des obéissances est wa min 'uqubatiha anna tastajlibu mawadd halak al-'abd fi dunyahi wa ukhrahi wa akhiratihi fa inna adh-dhunuba hiya amradun mata istahkamat qatalat wa la budd. وكما أن البدن لا يكون صحيحا إلا بغذاء يحفظ قوته واستفراغ يستفرغ المواد الفاسدة والأخلاط الرديئة التي متى غلبت عليه أفسدته وحمية يمتنع بها من تناول ما يؤذيه ويخشى ضرره فكذلك القلب لا تتم حياته إلا بغذاء من الإيمان والأعمال الصالحة بحفظ قوته عفوا يحفظ قوته واستفراغ بالتوبة النصوح يستفرغ المواد الفاسدة والأخلاط الرديئة منه وحمية توجب له حفظ الصحة وتجنب ما يضادها وهي عبارة عن ترك استعمال ما يضاد الصحة والتقوى اسم متناول لهذه الأمور الثلاثة فما فات منها فات من التقوى بقدره أو بقدره ابن القيم رحمه الله تعالى dit les péchés provoquent les causes de la perte de l'homme en cette vie et dans l'au-delà car les péchés sont des maladies qui lorsqu'elles s'imposent tuent nécessairement de la même manière que le corps n'est en bonne santé qu'à l'aide d'une nourriture qui préservera sa force d'une évacuation qui le débarrassera des matières viciées et des humeurs viles qui lorsqu'elle domine le corps, l'altère et d'une diète qui l'empêche de consommer ce qui lui nuit et dont il peut craindre le tort. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala fait ressembler la religiosité du fils de Adam à la santé qu'il préserve pour son corps. Il te dit pour être en bonne santé, il faut manger de bonnes choses pour avoir la force. Il faut évacuer du corps les mauvaises choses pour pas que ça reste en toi, sinon ça va te tuer. Et il faut faire un régime. Tu manges les bonnes choses, tu évacues les mauvaises choses et tu fais un régime. Il te dit c'est pareil dans le dîme. Il faut faire de bonnes actions pour renforcer le corps. Il faut vider le mal, les péchés, les injustices en faisant le repentir. Et il faut être au régime en délaissant, en s'éloignant des péchés. Il n'y a que comme cela que le corps pourra être en bonne santé. Il n'y a que comme ça aussi que le dîme de la personne pourra être en bonne santé. Il en est de même pour le cœur dont la vie n'est parfaite qu'au moyen d'une nourriture de foi et d'œuvres pieuses qui préserveront sa force d'une évacuation par le repentir sincère qu'il débarrassera des manières viciées et des humeurs viles et d'une diète qui préservera sa santé et éloignera de ceux qui s'opposent en délaissant la pratique de ceux qui s'opposent à la santé. Il nous dit que les péchés viennent contredire ces trois points essentiels à la bonne santé. Premièrement, ça nous amène les choses qui nuisent au corps. Ensuite, ça emmène un mélange qui éloigne du régime nécessaire. Et ça empêche le vidage et l'épuration ou le drainage de quoi? En faisant quoi? En faisant le repentir sincère. Fanzur ila badanin alim ila badani ila badanin alim qad tarakamat ali akhlat ar-radi'a wa mawad al-marad wa huwa la istafrighuha wa la yahtami laha kayfa takunu sihhatuhu وبقاؤه ولقد أحسن القائل جسمك بالحمية حصنته ومخافة من الألم الطاري وكان أولى بك أن تحتمي من المعاصي خشية النار. ابن القيم رحمه الله تعالى ندي la piété est un terme qui englobe ces trois choses. Et tout manque en cela entraînera un manque relatif de sa piété. La piété, c'est le fait de faire le bien en recherchant l'agrément d'Allah. Et délaisser le mal par crainte d'Allah. Tout cela avec science. Si cela est établi, le péché s'oppose donc clairement à ces trois choses. Car ils amènent des matières nuisibles et un mélange qui s'oppose à la diète, au jeûne. Et empêche l'évacuation par le repentir sincère. Vois le corps souffrant en lequel s'accumulent les humeurs viles et les matières composant la maladie. Qui ne peut les évacuer ne pratique pas la diète contre celle-ci. Qu'en sera-t-il de sa santé, de sa survie? S'il y a un corps qui est rempli de mauvaises choses, et il n'évacue pas et il ne fait pas de régime. Dans quel état tu vas trouver ce corps-là? Quelle belle parole que celle-ci. À travers la diète, tu préserves ton corps par crainte d'une douleur de passage. Alors qu'il t'aurait fallu avant tout t'abstenir des péchés par crainte de l'enfer. Le poète dit, tu fais attention à ce que tu manges, tu fais attention à ton corps, à ton régime, parce que tu as peur d'avoir une douleur. C'est une bonne chose, mais plus important que ça, éloigne-toi des péchés par peur de l'enfer. Et c'est vrai, les gens font attention au jour d'aujourd'hui, particulièrement à quoi? Faut manger ça, faut pas manger ça, faut manger bio, faut pas manger ça, n'est-ce pas? Et ils dépensent beaucoup, certains même ont des coachs. Ils les entraînent, ils leur font un régime strict. Tu dois manger 180 grammes de telle chose. Tu dois manger ça, tu dois pas manger ça, tu dois pas manger ça. Et de faire attention à son corps, c'est une bonne chose dans le dîner, il n'y a pas de problème. Mais plus important que ça, faire attention à sa finalité, à ne pas entrer dans l'enfer. En ne mangeant pas des péchés. C'est ça le plus important que le corps. Le corps, s'il va mal, il tombe malade. Le pire qui puisse lui arriver, la mort. Par contre, le cœur, s'il va mal, il meurt. Et le pire qu'il puisse arriver à ce corps-là après, c'est l'enfer. A'adana Allahu wa iyyakum minan nar. Puis l'auteur finit en disant, فَمَنْ حَفِظَ الْقُوَّةَ بِامْتِثَالِ الْأَوَامِرِ وَاسْتَعْمَلَ الْحِمْيَةَ بِاجْتِنَابِ النَّوَاهِ وَاسْتَفْرَى التَّخْلِيطَ بِالتَّوْبَةِ النَّصُوحِ لَمْ يَدَعْ لِلْخَيْرِ مَطْلَبًا وَلَا مِنَ الشَّرِّ مَهْرَبًا وَاللَّهُ مُسْتَعَانِ. Ainsi, celui qui préserve sa force en se conformant aux commandements par la pratique de la diète, en s'écartant des interdits, en évacuant les humeurs par le repentir sincère, ne cessera de rechercher le bien, de fuir le mal sous toutes ses formes, qu'Allah nous vienne en aide. Alhamdulillah, alladhi bi ni'mati tatimmu salihat. Nous avons fini le passage que nous souhaitions lire par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala seul et uniquement et son assistance. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillah, alladhi bi ni'mati tatimmu salihat. Wa as'alullah al-karim, arham ar-rahimin, al-ghafur, الغفار أن يمن علينا أجمعين وهو التواب الرحيم بتوبة النصوح. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعل هذا الذي قرأنا حجة لنا لا حجة حجة لنا لا حجة علينا إنك أنت أرحم الراحمين السميع البصير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن شاء الله تعالى à partir de la semaine prochaine, nous allons reprendre l'étude de la sira, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces enseignements qu'on a pris, il faut qu'on en tire profit. Et on demande à Allah de faire que toute cette science qu'on a apprise soit une science, une preuve pour nous, pas une preuve contre nous. On a vu la dangerosité des péchés et la nuisance des péchés sur le corps, sur le cœur, sur la personne, sur la terre, sur son entourage. Naam, pour sa subsistance, alors il nous faut nous éloigner des péchés. Il nous faut avoir peur de commettre les péchés. Il nous faut aller vers le repentir et les bonnes actions. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahumma abarak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.